Baptisé pas circoncis. Je suis baptisé pas circoncis. C'est pour les buveurs de bière et les bouffeurs de porc. Baptisé non circoncis, donc dehors les sémites. Pour les sans prépuces, direction le Maghreb ou le Birobidjan. Les sionistes cosmopolites, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pendant que les fiottes militent pour la reconnaissance du racisme anti-blanc, je pose mes couilles sur la table, ma voix sur l'instru et crache ma pose anti-boukia comme si c'était légal. En abrégeant leur souffrance théâtre, je leur propose d'élever leur âme. Jeter des perles au pourceau, c'est proscrit par les écrits. Il en va de même forcément de tendre la main à Belzébuth et ses disciples, un suceur de sang qui vole. Normal que ça soit l'idole des sémites. Depuis le temps qu'ils nous nuisent, ça se chiffre en millénaires plus hors décennie. Baptisé pas circoncis. J'suis plus raciste que Mugabe, 10 fois plus antisémite que raciste. T'es pas prêt de me voir sur Bouscapé, pourtant un arien qui rappe aussi bien. C'est presque aussi rare qu'un nègre qui a 3 chiffres ou une asiate à gros seins. Va falloir se retrousser les manches et puis salir les mains. À moins que tu préfères que la France devienne la planète des singes. Ce que je méprise encore plus que les putains nègres, c'est les bâtards traîtres à la race qui prennent l'exode à Budapest. Faut faire le nettoyage avec tous ces lèches babouches et c'est ce qui part. Quand ils seront tous morts, ça sera enfin la paix sur terre. Car je suis un homme de bien, comme le Mahatma Gandhi. Ce que je pense des cafres d'ailleurs, c'est un peu la même chose que lui. Baptisé pas circoncis. MG42, le débit de la fibre optique. Quand je pense à la mort de Méric, d'un coup j'ai le chibre oblique. Des cadences généralisées, les pédales veulent se reproduire. 39-45, quel dommage qu'on ait perdu la guerre. C'est de la pure bienveillance quand je demande à un fush si ça gasse. Pour inverser le cours de l'histoire, me faudrait la gova de Marty McFly. L'Algérie, putain, quel beau pays. C'est probablement pour ça d'ailleurs que personne ne veut y vivre. La valise, le cercueil, maintenant choisis Mohamed. C'est un juste retour des choses, ose pas me dire que t'es français. Fanatique, chrétien, extrémiste, j'aurais été juif, il dirait orthodoxe. Baptisé pas circoncis.